Salut Vincent. Salut Alexis, ça va bien? Oui, toi? Salut, oui. Salut aux auditeurs des amateurs de Mac. Bonsoir, c'est l'épisode du 30 novembre. On n'a pas commencé à trouver des titres à nos émissions, donc c'est l'épisode du 30 novembre. On va finir par en trouver un. Le 30 novembre au soir. Le 30 novembre au soir. Voilà, toutes les dates au mois de novembre, on commence tout ça par le 4 novembre, le 30 novembre. Oui, bien là, on est la dernière journée de novembre, c'est un commencement. Et on entend en arrière de nous le clavier de JF qui est diffusé, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Les amateurs de Mac, bonsoir. Oui, JF, on t'excuse. Donc, les amateurs de Mac, bonsoir. C'est une ligne ouverte où vous pouvez venir poser vos questions à propos du Mac et où nous, on va essayer d'y répondre. Donc, voilà, c'est simple. Et en bas, ici, vous avez la petite ampoule qui est tout petite, et où vous pouvez aller poser directement vos questions plutôt que les écrire dans le chat. Donc, nous, on va pouvoir afficher les questions. Ou si vous sentez l'âme courageuse, vous pouvez même le faire par caméra vidéo. Et à ce moment-là, on va vous diffuser. Vous allez venir avec nous. Simplement, peut-être avoir une paire d'écouteurs pour pouvoir être diffusé. J'ai à mes côtés Vincent Miller, développeur d'applications iPhone et mon co-animateur pour cette émission. Oui. Vincent, est-ce que tu as profité du Black Friday et du Cyber Monday pour t'acheter des trucs? Non, malheureusement, j'ai pas profité de cet événement-là en particulier. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté rien sur le web. La dernière affaire que j'ai acheté sur iTunes, c'était l'album du peuple, tome 8. Oh, et t'as bien rigolé? Oui, ben oui, c'était bon. J'avais de la misère la dernière fois à trouver le code d'accès, puis finalement, on l'a trouvé la semaine passée. Oui, mais, on l'a écouté dans un des sketchs. Finalement, il disait carrément, mais je pensais que c'était dans le sketch, puis okay. J'ai jamais fait attention quand il disait « le code d'accès est tel ». Fait que c'est ça, mais c'est très bon, là, je trouve ça drôle. Je pense que ça fait trois fois que je l'écoute. Moi, j'ai acheté quelques pièces d'équipement, et j'ai acheté des pièces d'équipement qui étaient malheureusement disponibles seulement aux États-Unis, c'est-à-dire que la livraison ne se faisait pas ici. Donc, j'ai dû trouver une espèce de parade où, en fait, on pense toujours que c'est compliqué puis on laisse faire ce genre d'achat-là. Mais j'ai trouvé deux, trois petits trucs qui sont assez intéressants de ce côté-là. On me dit que mon son est encore faible. J'ai l'impression que c'est parce que j'hoste la conversation dans Skype puis que mon son, pour des raisons différentes, est coupé. Parce que moi, ici, tous mes indicateurs me disent que c'est bon. Et on coupera cette partie-là au montage. Donc, je disais que j'avais trouvé, en fait, quelques trucs qui étaient intéressants pour... si on achète du matériel aux États-Unis ou quand on achète du matériel, en fait, en ligne. La première chose qui m'est arrivée il y a quelques semaines de ça, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai acheté du matériel qui m'a été livré par UPS. Et UPS, c'est la compagnie, à mon sens, de livraison qui est la plus arnaqueuse de toute la gang. Il y a Purolator, il y a FedEx, mais UPS, c'est pire que tout. Et quand j'ai commandé la pièce d'équipement, je sais pas si on les a vus, là, mais j'avais les poissons. J'ai commandé les poissons volants à l'hélium téléguidés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, ces poissons-là, je les ai commandés. Ils me coûtaient 79 $ pour deux poissons et j'avais 20 quelques $ à payer de frais de shipping. Donc, je paye mes 20 quelques $, je paye mon truc, ça arrive à la maison, puis le gars d'UPS à la porte me dit « Voilà ta boîte, ça fait 44 $ qu'il faut que tu me payes tout de suite. » En frais de manutention, puis de pour le dédouanage, puis tout ça. Là, j'ai fait, tu vas prendre le paquet, tu vas partir avec. Je paye pas la moitié du prix de ce qu'il y a dedans pour les avoir parce que toi, tu as décidé. T'sais. C'est une arnaque. Là. C'est comme, ça marche pas. Donc, vous pouvez faire ça, en fait. Puis moi, j'ai été un peu nono. J'aurais dû y penser quand j'ai vu UPS. Mais quand vous faites une commande, il y a toujours un petit carré. Où est-ce qu'ils vous demandent? Y a-t-il des notes spécifiques? Y a-t-il des instructions spécifiques que vous voulez donner? Et à ce moment-là, vous marquez là-dedans, oui, gardez-le à l'usine. Gardez-le, pas à l'usine, mais à l'entrepôt. Je vais faire le dédouanage moi-même. Là, trouver comment le dire en anglais. Tu vas aller les chercher. C'est ça, exactement. Et quand vous faites ça, eux vont le garder. Ils vont préparer les papiers. Puis là, avec le tracking code, avec le numéro qui vous permet de traquer, de suivre, si vous voulez, votre paquet en ligne, ben vous savez quand est-ce que c'est arrivé. Donc, vous pouvez peut-être lâcher un petit coup de fil. Sinon, eux vont le faire. Ils vont vous appeler puis vous dire que les papiers pour faire le dédouanage sont prêts. Vous passez à aller chercher les papiers. Et l'usine est à la ville Saint-Laurent ou à la Chine? Saint-Laurent. Ville Saint-Laurent, mais c'est dans le coin de la Chine. Là. C'est autour de la 13 puis de la 40. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un véhicule pour se déplacer. Mais l'endroit où il faut aller pour dédouaner, c'est à peu près à 10 minutes de là. Donc, il y a un contour à faire, là, mais c'est à peu près à 10 minutes de là. Et ça s'appelle le Air Terminal. C'est un endroit où est-ce que vous allez avec ces papiers-là. Vous rentrez, vous prenez un numéro. Il n'y a habituellement personne parce que c'est un secret bien gardé ou en tout cas. Et là, vous présentez vos papiers. C'est un douanier que vous avez devant vous. Il nous donne pas une scène pour leur faire de la pub, hein, ton café, Vincent. Puis en plus, t'as gelé avec le café dans les mains. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que vous êtes devant des douaniers. Donc, c'est des gens qui vont vous poser des questions sur pourquoi vous importez ce bien-là. Est-ce que c'est pour utilisation personnelle? Est-ce que c'est pour la revente? Tout ça. Et à partir du moment où est-ce qu'ils vous ont jaugé, un peu comme quand on revient au pays d'un voyage ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, ils vont vous dire, il y a les taxes à payer. Donc, le 44 $ que j'avais à payer à UPS sur un bien de 79 $, c'est transformé en 10,78 $ que je leur ai payé. Ils m'ont donné une facture comme quoi le produit était dédouané et que je pouvais en prendre possession. Je suis retourné chez UPS et je leur ai donné le papier. Puis ils m'ont donné mon équipement. Je suis parti chez nous pour 10 $ et quelques, ce qui est un prix sensé pour le bien que j'avais acheté. Ça, c'est la première chose. Le deuxième truc que j'ai à vous donner, c'est... il y a des compagnies autour de Plattsburgh ou pas très loin des frontières qui, eux, vont servir, si vous voulez, de hub ou de passerelle si vous achetez un bien. Donc, je veux pas faire de la publicité nécessairement, mais si vous cherchez sur Google pour Freeport Forwarding, donc Freeport, en un seul mot, forwarding, comme le mot forward, avance rapide, forwarding, dans Google, vous allez trouver une page web qui semble dater tout droit des années 90, qui est très, très laide. Et c'est très simple. La manière que ça fonctionne, c'est que vous faites la commande sur un site qui ne livre pas au Canada, pour donner un exemple, Amazon, et vous donnez l'adresse de cet endroit-là. Donc, vous allez sur le site web, l'adresse est très claire, vous la prenez avec le code postal, tout ça, et vous faites envoyer le colis à cet endroit-là avec votre nom. Encore une fois, le colis, ben idéalement, vous êtes en train de le suivre avec le tracking number. Et une fois qu'il est arrivé, vous envoyez un email à l'entreprise. Donc, le email aussi est disponible sur le site freeportforwarding.com. Et vous leur dites votre nom, vous leur dites votre adresse au Canada et vous leur demandez d'avoir une cotation, savoir combien ça coûte pour faire exporter le produit qui vous l'envoie. Et eux vont garder ça puis vont vous l'envoyer. Donc, ça peut bien fonctionner. Pour Freeport, j'en ai trouvé un autre qui s'appelle Plattsburgh Mail. Je ne suis pas certain, mais après avoir posé des questions sur Twitter, on m'a sorti en fait un site web où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se plaignaient de cet endroit-là. Donc, je vous le recommande pas. C'est lequel que tu ne recommandes pas? C'est Freeport Forwarding ou c'est le Plattsburgh Mail? Freeport Forwarding, je le recommande. Et donc, voilà. Et en ce moment, il y a quelqu'un qui est un petit peu énervé sur le chat. Donc, je vais m'occuper de ça. Parfait, excellent. Fait que tu peux lui demander de bien vouloir quitter gentiment. Oh non, je lui demanderai même. En fait, on va le bloquer. Voilà. Ça va être plus facile. Je l'ai bloqué. Excellent. Okay. Donc, on le rappelle, Parfait. C'est pas un show à propos de sodomisation, c'est bien un show à propos des questions que vous pouvez avoir sur le monde Apple. Donc, c'est juste. Et on coupe ça dans le montage. Oh non, tu peux le laisser. Et c'est ça, je parle de... on a une question. Bien comprendre que ce show-là, on l'anime, mais en fait, les auditeurs sont aussi importants que nous. Et un des auditeurs, en fait, qui est avec nous depuis 3 semaines, il est là, lui, il ramasse ses questions pendant la semaine, puis il a décidé que le monde chez Future Shop, il ne savait rien, puis que nous autres, on répondait quand même à ses questions. Il nous teste semaine après semaine. Et c'est notre ami Biker Chief qui nous demande « Bonsoir, ITV ou Apple TV, lequel, s'il vous plaît? » Et ben, j'aurais une réponse pour notre ami Biker Chief. Ces deux produits qui sont totalement différents, ils ne servent pas du tout à la même chose, malgré la connotation puis la sonorité qu'on pourrait leur trouver. Le ITV est un produit d'une compagnie qui s'appelle Elgato. Elgato fait trois produits différents, soit le Video Capture, le ITV hybride et le ITV HD. Et ce sont des produits qui servent à la capture de signaux de télévision ou de signaux analogues pour pouvoir les enregistrer dans notre ordinateur. Donc, c'est pour pouvoir, si vous voulez, à la place d'avoir un enregistreur numérique de Vidéotron, on pourrait simplement avoir une boîte qui fait les signaux numériques et la brancher dans ces appareils-là, par exemple à ITV HD, qui lui pourrait décoder le signal HD et puis à ce moment-là l'enregistrer dans votre ordinateur. Pour ceux qui font du téléchargement d'épisodes de télévision, qui est une activité illégale au niveau des droits d'auteur, et que vous téléchargez des émissions en haute définition, c'est le genre d'appareil qui est utilisé pour en faire l'enregistrement. Alors que le Apple TV est un appareil qui, lui, va permettre la consommation de contenu provenant du magasin en ligne de Apple ou de d'autres services comme YouTube, Netflix, la Major League Baseball et j'en passe. Puis aussi pouvoir peut-être diffuser, pas peut-être, mais diffuser vos photographies sur la télévision. Donc, il y en a un qui est un appareil pour faire la capture de contenu, tandis que l'autre est un appareil pour consommer le contenu. Est-ce que c'est des appareils sur lesquels vous avez peut-être mis la main, les gars? Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai voulu l'acheter un certain temps. Puis, dans le fond, j'attends le bon moment parce que là, en ce moment, je suis bien installé. Puis, c'est un achat un peu plus juste pour le fun. Mais plus tard, j'imagine, quand je vais déménager, je vais en acheter un. Puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu peux enregistrer des émissions au lieu d'avoir un enregistreur numérique. Par contre, il faut faire aussi la nuance qu'il faut avoir le récepteur de la compagnie avec qui on fait affaire. Donc, si vous faites affaire avec Bell, puis vous avez un signal HD, vous devez avoir le récepteur HD. Puis ensuite, vous faites la connexion entre le ITV pour que ça fonctionne. Mais dans ITV, vous pouvez enregistrer. Vous pouvez avoir... Il y a une espèce de guide des épisodes qui sont disponibles là-dessus. Vous pouvez éditer les vidéos que vous enregistrez. Puis vous pouvez aussi les... Ah, oh, merde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, tout à fait. Oui, t'entends. Ça va bien? Parfait, oui. Excellent. On va laisser terminer Vincent, puis après ça, on dira que tu nous as rejoint. En fait, donc, ce que je disais, c'est que justement, dans ITV, je vais recommencer un peu ce que je disais au début. Ouais. Pour être avec Bell, il faut avoir un récepteur. Quand vous voulez avoir un signal HD avec ITV, il faut avoir d'abord le récepteur numérique de Bell pour recevoir justement le signal HD. Mm-hmm. Ensuite de ça, avec ITV, vous pouvez justement écouter vos émissions à travers Bell. Je ne sais pas si Vidéotron, ça fonctionne, parce que certaines compagnies où la compatibilité entre ITV puis le récepteur ne se fait pas. Mais si ça se fait, justement, l'enregistrement d'émissions se fait, vous pouvez aussi avoir accès à un guide des émissions de télé disponibles sur les différents canaux. Il y a une clé USB qui se vend. Puis comme je disais tantôt, je ne suis pas sûr, c'est du streaming où une fois enregistré, vous pouvez transmettre sur votre iPhone Apple Touch. J'ai aussi vu ITV Mobile qui est disponible pour l'iPad 2. C'est un petit adaptateur que vous mettez justement dans la prise. Il y a une antenne. Puis sur ça, vous pouvez écouter les émissions directement en live là, sur votre iPad 2. Donc, il y a beaucoup d'options dans ITV. Il y a différents produits aussi, dépendant justement si vous êtes dans HD ou pas. Si vous voulez recevoir un signal seulement par les airs ou être abonné justement avec Bell. Donc, il y a plusieurs justement produits disponibles chez Elgato. Est-ce que je peux intervenir? Ben oui, vas-y. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. C'est parce que j'ai lu justement sur le sujet cet après-midi là-dessus. Si on utilise le ITV HD qui sert un peu d'enregistreur numérique finalement avec l'aide de Macintosh, en fait, c'est les sorties vidéo, soit composites ou components du décodeur, du fournisseur, soit Bell ou de Vidéotron, qui va donner le signal vidéo et audio au ITV qui, lui, va relayer le tout, qui va encoder pour sur le Mac. Donc, enregistrer les émissions, aussi diffuser la télé sur le Mac et aussi avec les applications de iPhone, iPad, de diffuser live sur nos iPhone, iPad, même quand on est à l'extérieur de la maison. Bernard, on dit il n'y a pas de fil HD qui est disponible. Ce serait le component. Je vais répondre à ça pendant que Bernard ajoute son son parce qu'il y a beaucoup de feedback d'après ce qu'on nous dit dans le... OK, attends un petit peu. Je vais... Peut-être c'est au niveau de... OK. Finalement, il y aurait deux appareils, en fait, que la personne pourrait prendre pour utiliser ITV HD, qui est 200$ environ. Il y a aussi le Apple 12-12 qui fonctionne avec le ITV 3, le logiciel aussi. Personnellement, j'irais plus avec le ITV parce qu'il est plus Mac, parce qu'il est plus intégré. Puis bon, l'appareil va ensemble. Mais le Apple, lui, il y a des sorties, il y a des entrées composites, sorties composites aussi. Il y a quand même il y a des sorties audio optiques aussi sur l'appareil, puis il est à peu près le même prix. Donc, ça va dépendre du besoin de la personne, là. Mais le logiciel ITV va fonctionner dessus. Il y en a d'autres aussi qui existent, des logiciels Mac qui font à peu près le même travail que ITV qui existe aussi. En fait, j'ai même vu une option, une petite option rapide, mais quand vous enregistrez avec ITV 3, le logiciel de Elgato sur votre Mac, il y a même une option où le logiciel, j'imagine la machine, va automatiquement ouvrir le Mac pour enregistrer des émissions, on va dire, pendant la nuit, oui. Quand votre Mac est fermé. Donc, il y a même des options justement pour ça. C'est assez pratique. Tu n'es pas obligé de toujours laisser ton ordinateur tourner. Si tu as un MacBook Pro, des fois, ça peut être un peu plus fatigant, là, l'écran fermé puis tout ça. Donc c'est pratique. C'est un produit qui est très bien fait. Pour ce qui est du ITV hybride, ça va enregistrer en MPEG 2. Donc, c'est de la qualité qui est relativement standard. Pour ce qui est du ITV HD, ça va être un enregistrement qui va être de meilleure qualité en H264. Donc, ça va prendre aussi moins de place. Mais notre ami Biker... Chief nous disait dans le chat que c'était plus pour écouter des films. Pour ma part, la première unité qu'on devrait mettre dans un salon, si c'est pour écouter des films, donc si vous êtes tanné peut-être de brancher votre ordinateur après votre télévision avec les adaptateurs puis avec le son et tout ça, à ma connaissance, c'est pas une solution qui est parfaite, mais la solution la plus polyvalente serait, à mon sens, un PlayStation 3, parce que c'est un appareil qui, avec l'aide d'un petit logiciel, est capable de streamer le contenu de votre ordinateur. Et en plus, c'est un lecteur Blu-ray qui se met à jour selon les bons vouloirs de Sony, parce que ces maudits-là, ils font juste changer les formats à tout bout de champ, puis ils scrapent les anciens appareils. Donc, à mon sens, là, okay. Pour écouter du film, ça serait intéressant. Si on n'a pas le genre de budget, par contre, pour le PS3, ce serait peut-être plus le Apple TV. Vas-y, Jeff. OK, donc, M. Brulotte. Non, c'est ça. À propos de la PlayStation 3, moi, j'utilise deux logiciels à partir de mon Mac pour streamer sur la PS3 parce que je trouve que la Xbox, elle supporte moins de fichiers vidéo que la PS3. Fait que j'utilise, ça s'appelle Playback. Ça se vend 18-19$, je crois. C'est ça. C'est un logiciel exprès pour streamer direct de votre ordinateur à la PlayStation ou la Xbox. Elle n'a pas besoin de faire de conversion? Non. La seule affaire que si, mettons, tu as des fichiers MKV, il y a un logiciel de conversion intégré dans le playback qui convertit ton fichier MKV en fichier MP4. Puis l'autre, mettons un fichier de 4 gigs à peu près, ça peut prendre quoi, 10-15 minutes environ. Moi, pour faire la conversion. Moi, j'utilise MediaLink et c'est un logiciel qui le fait à la volée. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre. Ah. Même les MKV, ça prend peut-être un 30 secondes, il part, puis il n'y a pas de problème. On nous dit dans le chat qu'il y a Rivet sur Mac, R-I-V-E-T. C'est gratuit, c'est rapide, puis ça marche comme un serveur UPnP. Donc, Rivet le fait aussi on the fly pour les MKV. PS3 Media Server. OK. C'est totalement gratuit, celui-là. Fait que c'est un open source. Fait que vous pouvez l'utiliser. Il fait le MKV sur le fly aussi. Fait que c'est ça. Ah, ben c'est ça. Bernac77 vient de répondre en même temps que moi. Tu voulais dire quelque chose, Bernard? Oui, M. Brulotte, lui, qu'est-ce qu'il utilise là, pour pas que ça fonctionne AirPlay? Est-ce qu'il y a un iPhone 4, un iPhone 3GS? Ah, qu'est-ce la question... utilise qui n'a pas l'image, qui a juste le son? C'était la question à propos de Goodreader qui nous a été posée sur Mac Québec Entraide, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai lu ça tantôt. D'abord, la problématique de M. Brulotte, c'est qu'il a utilisé un logiciel qui s'appelle GoodPlayer, qui est téléchargé. On s'excuse, il y a des ralentissements. C'est probablement parce qu'on est beaucoup sur la ligne et qu'on utilise ma petite ligne Internet en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on se pile un peu dessus au niveau des conversations. Donc, M. Brulotte a téléchargé un logiciel qui s'appelle Goodreader, qui est un lecteur média pour d'autres formats sur la plateforme iPad, sur le iPad. Et cette plateforme-là est supposée contenir AirPlay, mais quand il essaye d'envoyer son signal vidéo à son Apple TV, ça ne fonctionne pas. Donc, Bernard, tu avais une réponse pour M. Brulotte. Okay. C'est comme le Sling Player va avoir le même phénomène. Le son va être envoyé, mais pas l'image. Donc, ça dépend de l'application, comment elle a été programmée, qu'est-ce qui permet ou pas. Mais il y a d'autres logiciels qui vont le faire au niveau vidéo. Quand on jailbreak aussi en Apple TV, il y a Media Player avec FireCore. La compagnie FireCore fait un logiciel de jailbreak là, à TV Flash qui comprend un lecteur qui va lire les AVI, les MKV et une panoplie d'autres formats. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Moi, ce que j'aurais à suggérer, c'est... il y a deux choses. D'abord, en fait, la raison principale habituellement pourquoi le AirPlay ne fonctionne pas, c'est deux choses. Comme Bernard vient de le dire, c'est que le créateur de l'application n'a pas intégré, parce que bon, c'est Apple qui fournit à peu près tout ce qu'il faut pour que AirPlay fonctionne. Là, c'est des lignes de code, on les prend, on les met dans l'application, puis ça se fait pratiquement tout seul. Vincent pourra nous en dire un peu plus. Mais donc l'application, si elle n'a pas été mise à jour pour fonctionner avec AirPlay, sauf que Goodreader est vendu comme étant compatible AirPlay. Donc, est-ce que ça veut dire que votre iPhone n'a pas été mis à jour à la dernière version ou peut-être qu'il y a un bug qui s'est inséré avec iOS 5 et qu'ils peuvent pas, le contourner? Mais bon, si vous avez la version iOS 4.3 et Goodreader, GoodPlayer, c'est-à-dire, j'imagine que ça devrait fonctionner. Sinon, ce que vous pouvez peut-être essayer, puis là, ça va vous demander en fait peut-être un petit peu plus de ressources au niveau de votre routeur sans fil, ce serait l'application Air Video. Air Video, c'est une application qui permet sur votre iPad de streamer du contenu qui serait sur votre ordinateur. Donc, vous avez des films en MKV, en AVI sur votre ordinateur, vous démarrez Air Video, il va voir votre machine sur le réseau. Pour ça, il faut que vous ayez installé une petite application sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, il voit bon, votre ordinateur, les dossiers que vous avez bien voulu partager, tout ça, et vous pouvez démarrer un film. Et à partir du moment où le film est démarré, si je ne me trompe pas, vous êtes en mesure de le diffuser en AirPlay. J'ai tout ça. Donc, j'ai le Apple TV. Mon Apple TV est jailbreaké. J'ai un iPad. Cette semaine, je vais tester, en fait, je vais regarder au niveau des solutions que j'ai. Soit des solutions non jailbreak et des solutions jailbreakées. Et puis, on vous reviendra là-dessus. Si je peux rajouter une petite affaire concernant Air Video, moi, j'utilise cette application-là, mais sans Apple TV, je connecte directement mon iPad 2 à ma télévision avec le fil de Apple, avec la fiche Apple. Il y a du composite. le dock connector. Donc, ça fonctionne très, très bien aussi de cette façon-là. Donc, pas besoin d'avoir d'Apple TV. Et si vous voulez faire un autre test pour voir si vous avez bien la fonction vidéo, téléchargez l'application Tout.tv. Ça fonctionne avec AirPlay en vidéo et en audio. Donc, testez ça avec Tout.tv ou celle de l'ONF. Si vous ne voyez pas d'image parce qu'il y a un problème soit de version au niveau de votre iPhone ou de votre Apple TV, mettez les deux à jour, les plus à jour possible. Monsieur Brulot, puis, dit qu'il y avait un 4S, donc c'est forcément iOS 5 qui l'a. Fait que, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe là. J'ai la même chose que vous, Monsieur Brulotte, donc on va regarder cette semaine qu'est-ce qui est possible avec ça. Ah, ça fonctionne pas chez vous non plus? Je l'ai pas testé encore, j'ai voulu le faire, mais j'étais arrivé trop tard à la maison. Okay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer aux questions qu'on a dans notre document. La bande passante est très, très... Ça lague beaucoup, je crois, en ce moment. Tiens, Bernard, je vais rapidement t'envoyer le document de questions qu'on a. Comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir suivre et... Ah, OK. Je viens de t'envoyer ça. Donc... OK, c'est bon. La première... j'ai parlé... Ah oui, je voulais rajouter quelque chose, une petite parenthèse. Je suis passé chez les commanditaires d'un podcast duquel on s'inspire un peu, qui est l'analyse des geeks. Je parle bien sûr de CIPC. Je suis passé chez eux aujourd'hui. J'ai jasé avec le monde là-bas parce que j'ai un client qui a peut-être besoin d'un ordinateur PC. Il y a des bonnes raisons d'en vouloir un, donc je ne peux pas m'opposer à ça. Et le gars là-bas à l'entrée qui est là depuis 25 ans, ou en tout cas depuis que c'est ouvert, là, c'est toujours le même. Il est super sympathique, vraiment bon, puis tout ça, puis toujours là pour répondre aux questions. Et ils m'ont dit qu'ils en fabriquaient, on a eu les questions les dernières semaines à propos des Hackintosh, et eux en font. Ils sont en mesure de commander des boîtiers tout petits, un peu comme un Mac Mini, tout ça, puis ils mettent le matériel dedans, et ils vous font l'ordinateur. Disent peut-être un ou deux tips là, pour installer le logiciel parce que évidemment ils peuvent pas le faire. Là. Ce serait contre le copyright. Mais si vous regardez pour vous monter une machine, eux savent c'est quoi les composantes que vous devriez mettre dedans. Et à ce moment-là, ils peuvent vous monter de quoi. Fait que, Est-ce qu'il a dit le prix? Bizarrement, j'ai demandé quelque chose d'équivalent à un Mac Mini, puis il m'a dit que c'était équivalent au niveau du prix. Par contre, il y avait des options là, qui étaient peut-être différentes. Entre autres, le boîtier qu'il m'a présenté avait du USB 3. Bon, ça reste à voir, le USB 3. Ça ne prend pas grand-chose. Il faut que tu ailles des disques USB 3 et tout ça. Maintenant, c'est supporté dans Lyon, le protocole USB 3. La problématique, c'est qu'en théorie, c'est censé être très rapide du USB 3, mais ça va à peu près à la même vitesse qu'un FireWire 800. Donc, c'est si à prix équivalent, on peut avoir le service d'Apple et tout ça, parce que présentez-vous pas, évidemment, avec votre Hackintosh dans un Apple Store pour avoir du service. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense, entre autres, aux musiciens. Les musiciens, c'est un petit peu spécial parce que au niveau des ordinateurs, si on regarde, par exemple, un musicien a besoin quand même de beaucoup de puissance, mais la puissance n'est pas nécessairement apportée par une carte vidéo. Donc, le Mac Pro, il va payer beaucoup, mais pour une carte vidéo, ce qu'il n'a pas nécessairement de besoin. Il pourrait avoir quelque chose de moins fort, mais plus mettre sur le processeur, plus mettre sur de la mémoire, sur des disques durs, tout ça. Donc, c'est moins important. Fait que le Mac Pro, en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de musiciens qui vont l'utiliser, mais c'est sûr aussi que les connecteurs, les cartes de son qu'il y a à l'intérieur, ce sont des cartes de son qui s'assurent que ça fonctionne bien avec des logiciels comme Pro Tools ou des trucs comme ça. Si on regarde au niveau du iMac, pour Apple, le iMac est un produit grand public, ce qui fait qu'on peut peut-être avoir au niveau des contrôleurs FireWire, au niveau des cartes de son internes, on peut peut-être avoir des pièces qui sont un petit peu de moins bonne qualité par rapport au Mac Pro, je dirais. Puis à ce moment-là, ça peut créer des conflits sur certains matériels parce que, je ne sais pas, les tables Pro Tools, les cartes Pro Tools vont avoir été testées sur un Mac Pro, mais peut-être pas sur un iMac ou des trucs comme ça. Je sais que c'est arrivé à certaines reprises. Là, il y a des gens qui achetaient des MacBook à un moment donné, puis le contrôleur FireWire qu'il y avait dans le MacBook, c'était un Marvel ou je me souviens plus quoi, puis il fallait pas que ce soit cette marque-là. Il fallait que ce soit un autre. Fait que ça peut être compliqué. Là. Si on va dans l'ordinateur grand public ou entrée de gamme chez Apple, on va peut-être avoir des problèmes pour jouer avec du son. Surtout que du son, ça prend beaucoup de ressources. Donc, ça peut être une alternative intéressante. Je voulais le mentionner parce qu'on nous pose la question des fois. Il y a Raphaël Carrier et moi-même qui avons mis un lien vers le site Tony MacX86, qui est un excellent site. Bien, c'est le site pour le Hackintosh. Vous allez avoir toutes sortes de recettes, comment installer votre Snow Leopard, votre Lion, sur un appareil Hackintosh, mais aussi comme quel kit acheter ou quel boîtier, quelle carte. Bon, des exemples de kits à acheter ou les acheter pour faire des Mac Mini ou des tours ou bon, peu importe. Donc, allez sur ce site-là, vous allez avoir tous les renseignements, les drivers, les logiciels qui vont vous permettre de l'installer également. Excellent. C'est ça, mais il faut dire aussi au monde que ça ne s'installe pas en criant ciseaux, là, parce que des fois, ça se peut que ça fonctionne pas du premier coup. Là. C'est vraiment long, des fois, là, quand le système veut pas rien. Surtout avec les cartes graphiques, c'est vraiment ça prend vraiment. Ça fonctionne. La carte graphique est mal connectée ou est mal détectée, ça fonctionne pas. Fait que c'est vraiment touché faire ça. Là. C'est pas monsieur tout le monde qui peut faire ça. Il faut que vous connaissez en transfert de fichiers, puis c'est assez compliqué. Ouais, ben, idéalement, en fait, c'est un Hackintosh, c'est peut-être un projet qu'on recommanderait plus à des gens qui veulent bidouiller, qui veulent s'essayer parce que monsieur et madame tout le monde sont peut-être mieux d'aller avec un ordinateur qui a un certain support. Là, donc, tu sais, au niveau de la licence, vous passez outre. Donc, personne qui va vous aider sur un Hackintosh. Il va vraiment falloir que vous mettiez l'huile de coude puis que vous alliez dans les forums où on va vous aider. Puis ça peut être quelque chose qui n'est pas nécessairement facile tout le temps, comme le produit Apple peut le proposer. Donc, mais en contrepartie, si jamais bien, vous décidez d'abandonner la partie parce que vous trouvez que c'est trop de travail, bien, il y a toujours moyen de mettre le Windows dessus, mais c'est la même chose pour le Mac, de toute façon. Mm-hmm. Mm. Mais c'est un beau jeu de mécano quand même. Là. Oui, voilà. Un beau projet de fin de semaine. Ça, oui. Ah oui. Oui, c'est ça, exactement. Un beau projet pour les vacances des fêtes. Voilà. Excellent. Ouais. Il y a Régent Ouellette cette semaine sur Mac Entraide qui nous demandait pourquoi Mel ne fait c'est plus pas mon... de son. C'est pas dans ta famille. OK, c'est pas mon père, ça? Régent Ouellette, oui, il serait OK, Régent. OK, ouais. Non, moi, c'est Jean. OK, ah, non. Voilà. Régent, OK. Excusez. Donc, rien à voir. Pourquoi Mel ne fait plus de son? Bien, est-ce que vous avez regardé dans les préférences? Est-ce que c'est mail de iPhone ou c'est mail du Mac? C'est le mail du Mac, en fait. En fait, sur le forum de Mac Entraide, où est-ce qu'on va chercher une partie de nos questions et quelquefois des réponses, j'ai regardé un peu, puis on a répondu, en fait, je voulais apporter cette question-là, en fait, pour montrer qu'est-ce que des permissions corrompues pouvaient faire, en fait, dans la machine. La semaine passée, on a eu une question auquel on a répondu par le fait qu'il fallait réparer les permissions et c'était quelque chose de complètement différent. En fait, il est très possible que Mel n'émette plus de son parce qu'il n'a plus accès aux ressources qui lui permettent de le jouer. Et à ce moment-là, ce serait une histoire de réparation. Puis je ne sais pas combien de personnes cette semaine m'ont appelé avec ce genre de problème-là, et l'ancien animateur du podcast de Mac Québec, M. Grand Maison en personne, qui m'a téléphoné. Il a dit « j'ai des problèmes bizarres », mais lui, ça semble être plus complexe encore, mais on a fait une réparation de permission, puis ça a quand même aidé. Mais sinon, M. Régent Ouellette, moi, ce que je lui suggérerais, ce serait de vérifier au niveau des permissions. Et puis ça se fait à partir de l'utilitaire disque. La façon la plus simple d'y aller, c'est probablement par la petite loupe que vous avez dans le coin droit supérieur. En haut, vous tapez « utilitaire disque » là-dedans et puis vous allez voir l'application. Vous l'ouvrez, sélectionnez votre disque dur et puis vous faites, il y a un petit bouton sous la rubrique, soit en français c'est SOS, en anglais c'est First Aid, puis vous allez avoir le bouton Réparer les permissions ou Repair Permission. Vous faites, vous le laissez aller. Ça peut prendre jusqu'à une heure et demie là, le faire. Et puis après ça, vous redémarrez votre ordinateur. Et puis, ça devrait régler le problème. Sinon, tu allais proposer de quoi quand même de moins complexe, je pense, à vérifier avant, Bernard? Non, je pense que la solution des permissions, c'est une bonne idée. C'est une bonne avenue, en tout cas. Essayez ça. Oui, c'est ça. Sinon, on peut réinstaller le mail, mais sauf que là, il faut aller chercher les fichiers dans l'application d'installation de Lyon. C'est un peu compliqué là, aller les chercher. Fait que la recette se retrouve sur Internet. Il faudrait que je mette le lien. Faudrait que je la trouve tout de suite. Là. Mais sinon, peut-être réinstaller Lyon, réinstaller Mail si ça ne fonctionne pas. Là, après les permissions. Après les permissions éventuellement, oui, effectivement. Sinon, en fait, c'est très drôle. C'est une question que j'ai eue aujourd'hui. J'étais chez un client. Et puis, c'est une firme de stratégie, graphisme, tout ça. Et je lui ai dit que j'allais la mentionner. Donc, il y a Virginie Emery qui m'a demandé. Elle est plus habituée de travailler en PC ou avec Outlook. Et c'était la première fois qu'elle travaillait avec Mail. Et puis, quand on fait un drag and drop ou un ajout de pièces jointes dans Mail, plutôt que, comme sur PC ou sur Gmail, de nous mettre un icône en tout petit, comme quoi on a rajouté une pièce jointe, ça nous met en fait le preview de la pièce jointe qu'on a mis. Si par exemple c'est un JPEG ou du PDF ou des trucs comme ça. Vous avez expérimenté ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ou... Mm-hmm. Donc, elle... Ce j'ai déjà vu ça dans un... Donc, elle, ce qu'elle me demandait, c'est plutôt que d'avoir cette grosse page-là où est-ce que peut-être le texte du email va se perdre parce que la personne ne saura pas nécessairement où regarder, comment elle pouvait faire pour le transformer en icône. Et puis, je ne savais pas, c'était la première fois qu'on m'avait demandé, puis effectivement, je trouvais que c'était une bonne question. C'est tout simple, en fait. Une fois que la pièce jointe a été rajoutée, on tient la touche « Ctrl » enfoncée ou en fait, on clique droit. On fait un clic de la souris avec le bouton droit. Et puis, dans le menu déroulant qu'il va avoir, on va avoir l'option « Afficher en tant qu'icône ». Et puis là, à ce moment-là, votre preview va se transformer en tout petit icône. Puis, quand vous allez l'envoyer, la personne va le recevoir de cette façon-là. OK. Il n'y a pas moyen de le mettre par défaut? Ça, c'est l'autre question qu'elle avait. On n'a pas trouvé, mais on a cherché un peu dans toutes les settings, les préférences de Mail. On n'a pas trouvé. Je pense vraiment que Apple veut proposer le preview à la base, puis tu fais cette manipulation-là si tu veux l'avoir en petit, du moins dans Mail. OK. OK. Juste une petite chose concernant iTunes. Je t'en ai parlé tantôt rapidement, Alexis. Ouais. Puis j'avais reçu une question d'ailleurs, puis quand je t'avais vérifié, ça m'a fait la même chose. Les personnes qui sont développeurs, puis qui ont la version iTunes de bêta, dans le fond, de iOS 5, faites attention parce que là, en ce moment, les versions expirent. Donc, ça m'était jamais arrivé dans le passé. Peut-être justement je me dépêchais puis j'installais la version officielle ou dans le fond il n'y avait pas ce problème-là avant, mais maintenant quand vous vous connectez, si vous voyez justement ça va expirer dans, je sais pas, 85 heures ou il reste 2 heures, en fait c'est justement ça parce que vous avez la version développeur puis Apple, dans le fond pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité puis mettre ça officiel, pousse la 10.1 de iTunes. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller sur le site de iTunes, de Apple, section iTunes, télécharger la nouvelle version, puis ça va régler le problème. C'est la seule solution. Sinon... Oui, parce que ça va arriver avec quand iTunes Match aux États-Unis était sorti. Bien, il était supposé de sortir une telle date, mais là, iTunes, l'expiration finissait... la date de la journée que iTunes Match était supposé sortir. Fait que là, moi, je pouvais plus utiliser iTunes. Fait que là, le, genre le lendemain ou le surlendemain, ils ont sorti une version, la bêta 2 ou 3, je sais plus trop. Là. Fait que là, il aurait fallu réinstaller parce que là, je pouvais plus pantoute mais utiliser mon iTunes à cause qu'il était expiré. Là. Fait que c'est d'ailleurs, pour les testeurs, la date d'expiration de la 5.1 qui est disponible aux développeurs en ce moment. 5.1.2, si je me trompe. Non, ça c'est non, 5.1 tout court. 5.1 tout court. Puis le release note n'est pas sorti encore. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça améliore. Moi, je n'ai pas vu grand-chose. En fait, ça bloque même quelque chose. Je vais y revenir. Mais la 5.1 se terminerait, en fait, la date d'échéance serait le 14 janvier. Donc, on peut penser que bon, la 5.1 est due pour soit le 14 janvier ou avant. Mais ça reste à voir. Apple est fermé pendant une bonne période, pendant le temps des fêtes. Là. À partir du 24 décembre là, jusqu'au 2 ou 4 janvier, c'est fermé. Donc, c'est après qu'ils reviennent habituellement. Là, tu parles de quoi? Qu'est-ce qui est fermé? Ben, les bureaux, sites d'achat? Non, mais les développements, Apple connaît. Sortir, tu vois pas grand-chose. Si tu proposes tes applications, ça va prendre plus de temps. Ils sont en effectif un petit peu réduit là, pendant ce temps-là. Oui, c'est vrai. Puis même les développeurs peuvent pas voir justement le nombre de ventes pendant, je pense, c'est une semaine ou peut-être un petit peu moins. Mais on peut pas savoir le nombre de ventes. On peut pas vraiment voir grand-chose. Là, ouais. Voir, c'est ça. Je pense que c'est du 22 au 29 décembre que l'Apple Connect est fermé. Fait que ceux qui ont des applications sur l'Apple Store vont rien voir pendant cette jours-là. Que, sinon, est-ce qu'on a... Mais c'est le même à chaque année. Oui, oui. Fait que, est-ce qu'on a d'autres questions cette semaine? Oui, je n'ai eu une ce soir sur Twitter de Claude87. Il m'a posé comme question, parce qu'il a vu sur les sites de Kijiji et les PAC, il a vu du monde qui vendait des iPad 2 marqués comme neufs, emballés dans leur boîte originale. Puis il voudrait, il me demandait si je ferais confiance à ces personnes-là, avec le parce qu'il faut checker aussi la garantie du produit, là. Je veux dire, c'est bien beau, là, mais Apple fonctionne comme il me demandait. Ça prend-tu la facture originale pour le produit? Ben là, j'ai dit non, ça prend juste le numéro de série. C'est avec le numéro de série qu'Apple se sert, parce que même si vous amenez votre facture, ça ne servira à rien. Eux autres vont scanner vos appareils au Apple Store. Fait que c'est ça qu'il me demandait. Fait que j'ai répondu, mais là, j'ai mis la question à soir. Fait que il faut aller sur le support d'Apple au Canada. Dans le support, il y a un onglet, c'est marqué un numéro de série. Puis là, vous rentrez le numéro de série de votre produit, puis il va vous dire s'il est encore garanti par le fabricant qui est Apple. Fait que c'est ça. Fait que là, il était bien content. Fait que je pense qu'il est parti seul l'acheter. Quand vous êtes dans la section support, il y a un onglet qui s'appelle Self-Service, si vous êtes en anglais. Et dans ça, vous avez « Check your service and support coverage ». C'est là qu'on va vous demander le numéro de série. J'aimerais apporter un complément d'information, c'est-à-dire que chaque produit qui est fabriqué par Apple a évidemment un numéro de série. Et puis, Apple va dire ce produit-là a été fabriqué à telle date et devrait être garanti de telle date à telle date. Donc, quand vous allez dans la section « Check your service and support coverage », ça devrait vous donner à peu près la date, puis ils sont assez larges là-dessus, ça devrait vous donner à peu près la date auquel vous l'avez acheté. Par contre, il est possible que vous ayez dans un magasin et qu'eux aient des liquidations, par exemple, de produits d'anciennes générations qui sont invendus. Par exemple, je ne sais pas, moi, un MacBook Pro ou un MacBook Air d'une ancienne génération et vous avez, bon, on vous fait un rabais là-dessus, une descente de prix sur ce produit-là. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ce produit-là est dans leurs étagères depuis quand même un certain temps. Pour donner un exemple, à la coop, nous, au mois de septembre ou avant ça même, ben, nos caves étaient pleines de produits Apple parce que c'était la rentrée scolaire. C'était notre gros moment pendant, pendant la rentrée scolaire. Donc, on avait beaucoup d'ordinateurs. Puis si Apple avait le malheur d'échanger autour du mois d'octobre ou novembre, ben là, ces ordinateurs-là, puis souvent, ça arrivait au mois de septembre, souvent, ces ordinateurs-là descendaient de prix. Donc, les gens nous les achetaient, mais nous, on les avait peut-être depuis le mois d'avril ou quelque chose comme ça parce que le modèle n'avait pas changé. Donc, à ce moment-là, la facture va être importante parce qu'il va falloir communiquer avec Apple et puis leur dire, écoutez, la date de garantie que vous avez, elle n'est pas bonne par rapport à la date de garantie que moi, j'ai acheté le produit. Parce que la garantie, elle commence toujours quand vous devenez propriétaire du produit. Donc, c'est votre facture qui fait foi de cette date-là. Donc, si jamais vous achetez un produit, par exemple, en liquidation, vous allez sur le site ou sur Kijiji, vous allez sur le site d'Apple, vous checkez le support and coverage, et puis là, vous remarquez que, bon, la date ne fonctionne pas. À ce moment-là, avec la facture officielle de l'achat du produit, vous communiquez avec Apple et vous leur dites « Changez ma date de début de garantie », et puis ils vont vous demander de faxer la facture, et puis ils vont la changer. J'ai dit une niaiserie tout à l'heure. Là, si vous faites la consommation du produit, l'achat du produit sur Kijiji, évidemment, c'est une vente de gré à gré, donc de personne à personne. Et puis, la personne ne vous fera pas une facture. Et de toute façon, elle n'est pas revendeur autorisé. Donc, elle ne pourra pas vous faire une facture. Par exemple, moi, je vends en ce moment un iPhone 4S sur les packs pour un prix tout à fait raisonnable, considérant que j'ai attendu 14 heures pour acheter le produit. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller sur les packs et puis l'acheter, mais la garantie va commencer le 14 octobre, date à laquelle j'ai acheté le produit. Tu voulais dire quelque chose, Vincent? Oui, en fait, même si vous achetez sur Kijiji, vous pouvez quand même ajouter une extension sur votre mise, pas votre mise à jour, mais sur la garantie avec AppleCare. Donc, vous présentez un magasin quand ça fait dans la période du 1 an, là, on dirait justement, vous achetez un iPad sur Kijiji, puis il est encore dans la période de garantie, vous présentez dans un Apple Store, puis vous achetez justement un Apple Care pour l'appareil. Ça va être ajouté sur votre garantie, puis à la fin de la garantie, dans le fond, Apple Care va commencer. Vous allez, je pense, c'est un an supplémentaire là, dans votre garantie, en plus du support technique offert par téléphone là, par les gens d'AppleCare. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions cette semaine? Mais est-ce qu'il y a moyen de vérifier? C'est pas un appareil volé sur le site Apple? Y a-t-il une liste, une blacklist quelque part? Ou... Ben, c'est ça que j'ai dit, moi. En tout cas, moi, je ne trosse pas trop ça, là, surtout au prix qui était marqué. Je pense que c'était marqué comme genre 150$ de moins là, que le vrai. Là, il est 650$. T'sais, c'est un 64 gig Wi-Fi, c'est 719$ chez Apple. Là. Le gars, il le vend 650$. Je ne sais pas s'il y a moyen, comme Bernard dit, de vérifier si le produit vient d'un produit volé. Parce que si, mettons, tu as un problème avec ton iPad, puis s'il y a un quelconque fichier comme ça qui existe chez Apple, là, tu te présentes chez Apple, ah ben non, on peut pas te le servir parce que ça vient d'un produit volé. Fait que je sais pas comment ça fonctionne. Raphaël Carrier dans le chat nous apporte un très bon point. Wow, je pense que j'ai fait planter. Oui, c'est vrai. En fait, les produits ne sont pas volés. Ils sont achetés avec des cartes de crédit qui, elles, sont volées. Et malgré que Apple se fait pousser beaucoup parce qu'ils ont un bon système et que ce serait quand même relativement facile de mettre en place un système comme ça de blacklist de numéros de série, ils veulent pas peut-être avoir le client qui lui est peut-être victime de recel, qui n'est pas au courant ou qui ne s'est pas posé la question si le produit est volé, puis arriver dans un magasin puis se faire regarder comme si c'était un voleur. Donc, Apple préfère... bon, c'est une corporation, puis toutes les autres compagnies font à peu près de même. Là. C'est-à-dire que ça serait très malaisant. Tu achètes un produit comme ça, tu ne sais pas. Là, t'sais, c'est un monsieur qui a fait un cadeau, whatever. Puis là, tu te retrouves à te faire dire, bien, votre produit est volé. Fait qu'on va vous arrêter, vous poser des questions, puis tu le quittes. ça serait vraiment pas cool. Quand j'ai contacté une fois Apple, parce que je me suis fait voler mon Mac il y a 2 ans environ, puis mon MacBook Pro, d'ailleurs je l'ai changé puis je l'ai pris pour à peu près la même chose, mais ce que la personne disait justement chez Apple, ils n'ont pas de système de placé pour ça, mais si jamais vous faites voler un produit, que ce soit moi dans mon auto, m'ont volé mon ordinateur, si vous votre iPad, peu importe, contactez Apple. Dites-leur justement que votre produit a été volé, puis eux, ils vont mettre une note. Il n'y a pas de système, il n'y a pas d'option qui coche pour dire « OK, ça a été volé », mais si jamais quelqu'un qui vole, il y a un problème, puis il appelle avec le numéro de série, il va voir dans les notes que cet appareil-là a été volé. Donc, il va pouvoir contacter la personne, puis justement pouvoir s'arranger après ça avec les policiers, puis bon, toute la démarche qui s'ensuit. Mais si vous faites voler des produits, des fois, faites cette démarche-là. Sinon, il y a des... Mais il y a aussi... Yeah. Oui, mais c'est ça, mais parce que en plus que là, avec iCloud, il y a le Find My Mac, qui n'est pas coché par défaut, là. Mais je pense que le Find My Mac utilise le numéro de série de l'ordinateur Apple pour le retrouver sur le réseau, d'après moi. Fait que d'après moi, Apple serait, mettons, que, tu sais, avec mon account iCloud, serait qu'il pourrait le retrouver quelque part, mon produit avec le numéro de série, que si, mettons, quelqu'un se reconnecte avec un autre account. Mais c'est pas le numéro de série. C'est pas le numéro de série qui est utilisé, c'est simplement le Apple ID, c'est le Apple account. Ouais. Mais de toute façon, s'ils pouvaient faire ça, probablement qu'il y aurait des fanboys de Microsoft ou de qui aiment des anti-Apple, ouais, qui diraient « Oh mon Dieu, Apple nous suit maintenant, ils peuvent savoir où on est tous les ordinateurs dans le monde. » Je ne sais pas si côté légal, il y aurait des problèmes de ce côté-là. Bernard? Ouais. Mmh. De toute façon, Windows le fait déjà avec son Genuine. Quand tu veux faire fonctionner... t'as une copie de Windows sur 2 appareils, ils vont te le dire que tu ne seras pas capable, ils vont te retracer. Mais bon, il existe des logiciels pour retracer des Mac. Prey, c'en est un. Undercover, oui. il y en a d'autres aussi. Eux autres, ils ont une banque, un serveur central, donc dès qu'on rapporte l'appareil volé, ça passe, Computrace aussi, ça passe par leur serveur, puis ils sont connectés avec les policiers, tout ça, ils peuvent retracer un peu les appareils, un peu comme Find My Mac, mais un petit peu plus pernicieux. Ils peuvent même prendre des photos du voleur. Je pense que c'est Prey qui fait ça. Ils prennent des photos du voleur avec la webcam. Ça existe aussi sur un appareil jailbreaké, un iPhone, il y a une application qui s'appelle I Got Ya, qui, lui, dès que tu fais le mauvais passcode de ton iPhone, aussitôt le logiciel se met en marche et prend une photo du voleur de ton iPhone. Et il y a aussi le tracking, il fait un rapport, tu peux tout suivre ton appareil. Donc, il y a toujours moyen maintenant de retracer tes produits à Apple avec toutes sortes de solutions. Malheureusement, ça ne ramènera pas l'appareil. Bien souvent, un voleur, il va formater le disque dur aussitôt qu'il a l'appareil en main. Il prend pas de chance. Il va formater le disque dur, puis bingo. Il va même peut-être, un qui est plus wise, il va prendre le disque CD d'installation, changer le mot de passe de root, puis tout zapper. Ou c'est pas les données qui intéressent bien souvent un voleur qui va voler dans une voiture. C'est l'appareil en lui-même, puis il veut le vendre au plus vite. Il veut pas le garder... en sa possession. Là. Habituellement, donc, toutes les histoires que moi j'entends à propos de systèmes comme ça, aux États-Unis, on dirait que les policiers sont très, très prompts à répondre et vont écouter la victime, vont y aller avec la personne. S'ils peuvent attraper le brigand qui a commis le crime, ils vont le faire. Ils ont une politique beaucoup plus répressive aux États-Unis, tandis qu'ici, j'ai entendu plein de monde que « Hey, j'ai Find My Phone, je suis allé voir les policiers, puis le gars au comptoir, là, zéro pin bar, j'y parlais de ça, là, puis ça flashait pas là, dans ses yeux. Là, il comprenait pas qu'on pouvait aller voir. Puis là, oui, mais c'est peut-être pas la personne, on n'a pas le droit de rentrer. » C'est comme si les lois ici n'étaient pas vraiment faites pour ce genre de trucs-là. Donc, le Find My Phone ou le Find My Mac, c'est la charte des droits. C'est un produit de consommation grand public, alors que Pre ou des logiciels comme ça vont peut-être plus s'assurer exactement de l'endroit et vont être en mesure de fournir un genre de preuve ou quelque chose comme ça. Donc, ce sont des services aussi qui sont payants par mois habituellement. Là, il y a quelques dollars à donner pour que ça fonctionne. C'est comme ici, c'est ça, c'est comme Alexis disait, il dit les policiers peuvent pas rentrer chez le monde parce qu'ici, on a la charte des droits de la personne. Hein. Fait que là-dedans, c'est le monde, ils sont protégés. Le policier peut pas rentrer chez vous s'il n'y a pas de mandat ou s'il n'y a rien. Là. Fait que c'est vraiment touchy ici au Québec et au Canada. Là. La charte des droits, là, elle couvre beaucoup là, de contrevenants. Là. C'est comme l'enfer, là. C'est pire qu'aux États-Unis. Pour un téléphone, par exemple, tu dis au policier, écoute, on arrive à la porte, là, je te demande pas de rentrer, moi, je vais prendre ton cellulaire, je vais téléphoner, puis si ça sonne en dedans, bien, tu sais, on va avoir une preuve, puis on va pouvoir, comme, va le chercher, là. S'il est en dedans, il sonne, là, tu sais, il m'appelle. Mm-hmm. Donc, mais de toute façon, ils vont dire, oubliez ça, allez au poste de police, puis faites un rapport, puis just too bad, là. C'est un peu frustrant. Bien, ce qu'il va vous dire, c'est qu'écoutez, c'est un appareil qui vaut... quelques centaines de dollars. Vous avez même le moyen de tout effacer votre appareil à distance si vous le voulez. Faites ça, puis allez réclamer aux assurances. Puis, donc, c'est pour un appareil de ce genre-là, quand c'est un portable puis qu'il y a des données importantes dedans, tu es un programmeur, puis tu as programmé de quoi, puis tu n'as pas fait ton backup. Donc, ça, c'est un petit peu plus problématique. Ou tu as des dossiers de clients à l'intérieur avec toutes sortes de données, c'est un peu plus problématique. Donc, tu as tout intérêt à récupérer ton appareil, mais bon, tu sais, généralement, ce qu'ils vont vous dire, c'est que, un, il faut que le délit soit dans leur territoire en partant. Ouais. Si le voleur, il vient, si tu demeures à Longueuil puis tu t'es fait voler à Montréal, faut que tu ailles voir la police de Montréal, mais si le voleur, il est de Boucherville, bien là, c'est rendu, tu sais, ça va aller te promener d'un poste à l'autre. C'est là, la bureaucratie. Puis, c'est vraiment touché, là, tu sais. Il nous reste... Donc, c'est assez difficile. Oui, il y a LoJack et Orbicule aussi qu'on nous dit, que Raphaël nous propose dans le chat. Il nous reste deux questions pour la soirée, à moins que ceux qui sont à l'écoute en aillent. Et à ce moment-là, vous pouvez aller simplement dans le petit onglet avec l'ampoule électrique en bas et poser vos questions qu'on va diffuser au podcast et on va tenter d'y répondre. Donc, les deux dernières questions, mais il y en a une qui nous vient. De notre ami JF. Jean-François avait une question avant le show et puis on y a répondu. C'était quoi ta question, Jean-François? Oui, j'avais un problème dans Mail. C'était que parce que j'ai quatre adresses de courriel dans Mail. J'ai mi.com, Vidéotron, Google, j'ai Hotmail. Fait que à chaque fois que je veux envoyer un email, je veux que ça passe toujours par mon compte MobileMe. Fait que là, ça passait tout le temps par Vidéotron. Fait que je sais pas pourquoi. Il fallait que tout le temps je choisisse mi.com. Fait que là, les gars, ils m'ont répondu. On l'a trouvé. Ben, ils l'ont trouvé. Là. Moi, j'avais pas cherché. Je pensais pas que c'était là. Fait qu'il fallait aller dans les préférences. Il fallait aller dans. En français, c'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. C'est composition. Puis après, dans adresse, il fallait aller chercher l'adresse de courriel, envoyer les nouveaux messages de telle adresse, mettons, Vidéotron, Gmail, Hotmail, mi.com. Fait que là, j'ai choisi mi.com. Puis par défaut, maintenant, à chaque fois que j'envoie mes messages, je suis plus obligé de choisir mon mi.com. Fait que c'est parce que c'était vraiment fatigant là, de tout le temps changer l'adresse par défaut. Là. Sous la rubrique composition, on a trois espèces de champs bien définis. Celui du milieu s'appelle effectivement address ou adressage. Et dans ce segment-là, on a trois petites boîtes radio. Donc, c'est des boîtes qu'on peut cocher. Et tout juste en bas de ça, on a la mention que JF donnait, qui est « Envoyer message à partir de ». Il y a un menu déroulant, et dans le menu déroulant, il y a vos adresses, des comptes qui sont configurés. Et vous pouvez choisir l'adresse que vous voulez qui soit utilisée par défaut pour l'envoi de messages. Hey, ça vous tente-tu de faire des découvertes? De faire quoi? Des découvertes? faire une découverte. Ah oui? J'ai trouvé un logiciel qui s'appelle 5$, qui s'appelle WinOnX, qui est en fait un portage de l'application WineSQ, qui est en fait de rouler des logiciels Windows sans avoir Windows. Et le logiciel, ce qu'il fait, il prend, c'est ça, le code source de WineIQ, mais ce qu'il fait, c'est qu'il le rend beaucoup plus facile pour les gens pour installer un logiciel. Donc, tu prends l'installeur Windows, puis tu le glisses dans le logiciel, puis bingo, il s'installe, puis ça rentre à l'intérieur du logiciel. 5$ dans le App Store, ça s'appelle WinOnX. Je l'ai testé sur quelques logiciels, ça fonctionne très bien. Excellent. Peut-être pas pour des appareils pour brancher des affaires USB ou bon toutes sortes de trucs comme ça, mais un logiciel, là, je sais pas moi, de comptabilité, peut-être que ça fonctionnerait bien, par exemple. On a une petite question qui... ce serait intéressant d'essayer ça avec Simple Comptable pour voir si ça fonctionne. Là. À 5$, ce serait vraiment intéressant. Surtout que Crossover est autour de 80$. Oui, on parle de Wine Butler que je connais aussi, mais WinOnX est beaucoup plus simple. Okay. Beaucoup plus simple pour installer des logiciels. Pas mal moins compliqué, mais il fait à peu près le même job que Wine Butler, mais encore plus facile. Pour 5$, je pense que pour se faciliter la vie, ça vaudrait peut-être la peine. Notre ami Biker Chief qui nous pose une nouvelle question, puis va peut-être falloir demander des éclaircissements. Je ne suis pas très sûr pour ma part de comprendre. Donc, il nous demande c'est quoi EFI pour mot de passe. Donc, Bernard. Vas-y, Jeff. OK. Ah ben, OK, non, okay ben, je vais y aller, puis. OK, c'est beau. Le EFI, en fait, c'est comme le BIOS là, sur les PC. Donc, c'est le logiciel de l'appareil. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous avez parlé comme pendant 5 minutes ensemble. Vas-y, Bernard. C'est comme... OK. Donc, c'est ça. Donc, le EFI, c'est un logiciel interne de l'ordinateur. C'est dans la carte. Et on peut installer un mot de passe à l'intérieur de cet endroit-là pour bloquer l'appareil. Donc, l'appareil, même si on met un CD ou quoi que ce soit, l'appareil est inutilisable si on ne connaît pas le mot de passe. Et l'autre façon de protéger aussi l'appareil qu'on n'a pas parlé tantôt, c'est d'encrypter les données du disque dur aussi avec FileVault. Donc, on peut aussi encrypter toutes les données. Donc, si on met un mot de passe au niveau du EFI de l'appareil et qu'en plus, on encrypte nos données, je pense pas qu'un voleur va être capable d'accéder facilement à nos choses. Donc, il va être forcé de tout zapper ou de ne pas faire grand-chose avec l'appareil. Mais il n'y a pas possibilité. Si on n'a pas le mot de passe du EFI, on ne peut même pas réinstaller le système d'exploitation. Donc, l'appareil est à toute fin pratique inutilisable. Exact. Ah oui, fait que n'oubliez pas votre mot de passe parce que sinon, là, vous allez broyer votre mère. Là. Ah oui, là, c'est Il n'y a pas le truc là, d'enlever la petite batterie sur le board, là, ça oui, marche encore, vrai. Ça. En tout cas, sur les PC, oui. C'était ça le truc. Tu enlevais la petite batterie, tu attendais une couple de minutes, tu touchais un autre bouton, puis bingo, ça zappait. ça zappait le BIOS. Ah, ouais, ça marchait. OK. Ben, à l'époque, c'était la batterie, mais sur les Macs, c'était un petit bouton CUDA qu'il y avait sur les boards des G3 à l'époque. Tu avais une petite procédure que tu faisais, puis ça zappait en fait la mémoire EFI, quelque chose. Ben, à l'époque, c'était pas EFI, là, mais bon. Il y avait toutes sortes de petits trucs. Là. On fouille un petit peu sur Internet, puis on finit par trouver. Là. Le EFI, en fait, pour les gens PC, c'est l'équivalent du BIOS. Donc, c'est... Ouais, c'est vrai, Raphaël Carrier, il me rappelle ça, c'est vrai. Quand tu enlèves les barrettes de RAM de ton appareil, apparemment que ça resetterait ton EFI. Ah! À vérifier. Merci, Raphaël. C'est vraiment intéressant. Ah, Raphaël. Excellent. Est-ce qu'on avait une dernière question dans le document? Parce qu'on est en train de faire le 1h15, là. Ben ouais, on avait une question, mais je sais pas de qui qu'elle vient, là. Fait que c'est toi, Alexis, qui l'a marqué plus tôt, là. Ouais. Fait que c'est « Peut-on brancher une clé USB avec un iPad 1 via le kit de connexion photo? » J'ai fait le test. Fait que la réponse... Vas-y. J'ai fait le test avant l'émission. Moi, je pensais que ça se faisait, en fait. Je pensais qu'il était en mesure de voir la clé USB et peut-être d'être en mesure d'importer peut-être les photos. Donc, ce que la personne nous demandait, c'est à l'aide de l'adaptateur dock connector à USB qui est vendu pour l'importation de photos. Est-ce qu'il est possible d'aller chercher du matériel sur une clé USB? L'iPad n'ayant pas d'explorateur de fichiers en tant que tel, ben, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est vérifier si sur la clé, il y a des photos et les importer. Malheureusement, j'ai essayé et ça ne fonctionne pas. On nous dit bien que la clé consomme trop d'électricité et qu'elle ne peut pas être reconnue par le produit. Il y a peut-être des clés sur le marché qui demanderaient moins d'électricité et qui, à ce moment-là, seraient peut-être détectées. Par contre, ce serait étonnant. Ce que je sais aussi, c'est que les claviers de Apple peuvent être reconnus par cet appareil-là et on peut les utiliser branchés en USB avec l'adaptateur comme clavier pour l'appareil, un peu comme le clavier Bluetooth, mais pas Bluetooth, là, un clavier branché. Et puis, ce que j'avais trouvé rapidement, parce que je savais que ça existait, il y a des disques durs externes qui sont vendus et qui peuvent se brancher au iPad via cet adaptateur-là. Et eux sont expressément faits pour le iPad. Donc, vous pouvez trouver ça sur le site Hypershop. Donc, Hypershop, Hyper Shop, shop.com. Et eux font une pléiade de produits qui vont se connecter à votre iPad pour y ajouter, si vous en avez besoin, de l'espace de sauvegarde. Donc, que ce soit pour aller chercher des photos. En fait, sur le site web, il parle même de films en AVI, par exemple, qu'on pourrait aller chercher via ce disque dur-là. Donc, ça peut être une solution, mais malheureusement, la clé USB ne fonctionne pas. Non, mais il y a aussi des Dropbox de ce monde qui existent aussi. Là. Prenez Dropbox, installez l'app sur votre appareil, puis prenez ça sur votre ordinateur, installez Dropbox, glissez ça dedans. Vous allez l'avoir direct dans votre appareil. Puis bien sûr, iCloud, toutes les solutions de clouding, dans le fond, vont le faire. Là. Donc, c'est peut-être si un ami avait vous rencontré dans un party, puis qu'il y en a un qui a une clé avec lui, puis qui voudrait te donner des affaires, mais je sais pas. Je ne sais pas, à part ça, là, vraiment, moi, j'irais avec le clouding. Puis, Dropbox, vous invitez quelques amis qui ne connaissent pas encore le service, puis on vous donne 250 mégs à chaque fois, donc ça peut être pas mal intéressant. Puis, si vous êtes étudiant, même s'ils disent que ça prend une adresse .edu, qui est le système américain, dans le fond, tous les établissements d'éducation aux États-Unis, ça se termine par .edu. EDU, pardon, comme nom de domaine, mais même si vous mettez, je sais pas, umontréal.ca ou ucam.ca, ça va marcher. Donc, vous allez avoir plus d'espace disque quand vous êtes étudiant que les utilisateurs normaux. Donc, il y a une adresse là, particulière dans Dropbox. Mettez votre adresse de courriel de votre établissement, puis ça va fonctionner. Tu travailles pour un établissement scolaire, tu ne fais pas le recel d'adresse email d'endroit d'éducation pour. Parce que ça double. Non, non, mais j'en veux une, moi. Ça double l'espace disque sur Dropbox. Donc, moi, je suis à, je pense, 8 gigs en ce moment avec une adresse comme ça. Je pourrais passer à 16 gigs. Ça serait écœurant. Ben oui, écoute, il y a toutes sortes de trucs pour en avoir plusieurs comptes Dropbox, mais généralement, tu peux en avoir juste un fonctionnel à la fois là, sur ton ordinateur, mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir des façons pour contourner le tout. Il y a Box.net qui te donnait 50 gigs, je pense, quand tu installais l'application iPhone ou iPad, c'était automatique là, jusqu'au début décembre, je pense, il te donne 50 gigs, là, si qui est concurrent en fait de Dropbox. Si tu l'actives à partir de iOS, il te donne 50 gigs et c'est à vie. Et la semaine passée, nous autres, on disait dans le podcast de Mac Québec que c'était un petit peu différent du fonctionnement de Dropbox parce qu'il n'y avait pas de synchronisation entre les appareils. Mais Alex Dos Santos, qui était sur Skype à côté, mais qui n'était pas connecté, puisqu'on n'a pas interrompu le show, nous disait que non, c'est possible de le configurer en WebDAV. Dans le système. Donc, okay. On va voir avec Alex s'il peut peut-être nous faire une petite chronique pour venir nous parler de ça. Parce que, je l'annonce en fait, Alex a laissé sa place. Bernard qui est avec nous ce soir, était l'animateur avec moi du podcast de Marc Québec. Et puis là, ben il s'est libéré un peu, il s'est trouvé du temps libre, même s'il dort pas assez. Et puis, il va recommencer à animer le podcast de Marc Québec avec moi et Jean-François. Donc, à partir de la semaine prochaine. Et puis, on a une nouvelle date, une nouvelle journée de diffusion. On va maintenant faire ça le jeudi pour accommoder Bernard, puis parce que ça ne nous dérange pas, puis je suis sûr que ça ne vous dérange pas non plus. C'est-à-dire les auditeurs. Ouais, parle pour toi, parce que... Ouais, ouais, ben arrange-toi avec Bernard. OK, c'est bon. Au Rakabessic à 3 ans demain. Au Rakabessic à 4 ans. OK, c'est pas... OK, c'est pour le montage du podcast, j'imagine. C'est okay. Ça, là. On va être bon. J'avoue que ça va être rough entre JF et toi, là, mais je vais faire avec. Voilà, ben tu t'es laisseras. Ils vont s'entrechoquer, ce ne sera pas grave. Sinon, ben on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast Mac Québec et les amateurs de Mac Bonsoir qui vont revenir. Je vous le rappelle, ça va être jeudi. Le 8 décembre, et on aura un invité la semaine prochaine qui sera Frank The Tank. Oui, il a déjà été averti qu'on allait être diffusé le 8 et le 7. Moi et Frank et beaucoup d'autres podcasters de la scène québécoise, on va être à l'émission spéciale de Noël que les Mystérieux Étonnants vont diffuser à partir du Millennium, qui est leur commanditaire. Donc, ça va me faire très plaisir d'aller plugger notre podcast là-bas et de faire le top 5, je crois, des top 5 ou top 10 des événements Apple les plus importants de l'année. Donc, les gars, je vais vous réécrire là-dessus pour vous demander votre avis à propos de ça pour aller présenter ça. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, on va se parler après, Alexis. C'était pour le spécial de Noël. C'est juste pour dire à tout le monde que finalement, il va en avoir un le 29 décembre. Donc, on va sauter une semaine, la semaine du 19 décembre. Donc, le podcast est supposé d'être le 22 décembre, mais on saute dans le fond une semaine pour Noël. Donc, le spécial Noël va être diffusé à même heure le jeudi 29 décembre. Donc, moi, je vous garantis pas l'état. Hein. Je veux dire, je vais avoir fêté à Noël. La famille vient ici. On le fait pour les gens qui vont avoir reçu des cadeaux puis qui vont avoir eu des cadeaux à Apple puis qui vont avoir eu des problèmes. Mais ça se peut que je sente la boisson. Tu sais, bon, écoute, là, moi, je garantis rien. On est un podcast audio quand même... Je le rappelle. Et non en odorama. Ouais. Ouais, c'est ça. Bernard, tu voulais dire quelque chose? On va présenter nos cadeaux. On va présenter nos cadeaux. Qu'est-ce qu'on a eu au cadeau techno? J'en ai un que je reçois demain, là, un petit cadeau. Je me suis commandé un Garmin 62S en super spécial Black Friday, 280$ au lieu de 400. Donc un gros rabais. Excellent. C'est bon. Un site canadien, donc pas de douane. Donc, j'aurai le recevoir demain. Excellent. Pour le géocaching. Oh oui, c'est vrai. Hein? Et Jean-François? Oui. J'en ai jamais fait de ça. Sérieusement. Ça a l'air le fun, par contre. Il y en a plein à Trois-Rivières des caches. Bernard est un gros fan de géocaching. Jean-François, tu nous montrais ton Gears of Wars édition spéciale? Que tu t'es acheté au Black Friday. Regardez-moi ça. C'est Marcus. La belle statuette de Marcus. Au lieu de payer 150$, j'ai payé 30$ lundi pour la boîte complète. L'as-tu diffusé sur Twitter? Vraiment pas cher. L'as-tu diffusé sur Twitter? C'est le genre d'information que les gens ils commenceraient à te suivre là, pour avoir. je l'ai mis sur Twitter quand je l'ai acheté. C'était vraiment quelque chose. Lundi, à vérifier tout ça sur Internet, là, c'était ouf. Il y en avait des spéciaux qui passaient. Ah oui, il y en avait full. Okay. Donc, finalement, en fait, on va terminer l'émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs, Vincent? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter, DEV Vmiller. Donc, mon nom, pour ceux qui l'écoutent en live, est écrit sous la caméra. Ou sinon, c'est ça, DEV Vmiller. Puis sur mon site web, vmiller.ca. / français ou anglais. Là. De toute façon, c'est la même chose. J'ai pas traduit encore. Donc, c'est ça. Jean-François? Moi, c'est aussi sur Twitter. Fais-me rejoindre à JFROI 1979. Fais-me rejoindre aussi sur Google Plus. fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Je peux répondre instantanément, si vous voulez. Bernard. Moi, c'est @cybernard, C-Y-B-E-R-N-A-R-D. Donc, sur Twitter, un peu partout, Facebook, Quora, Google+, je suis un petit peu partout. Everywhere. Pas toujours actif, mais je lis beaucoup. Mais des fois, je participe. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier, C-O-R-N-E-L-L-I-E-R. N'allez pas sur alexcornelier.com, là, le site, c'est un désastre. Ça ressemble à Mad Max. Sinon, par contre, vous pouvez nous laisser vos questions sur le site Mac Québec Entraide, qui est le site qui est utilisé majoritairement pour aller chercher les questions dont on vous donne les réponses pendant le show. Et si vous avez vraiment besoin de quelqu'un à la maison parce que les problèmes commencent à être plus difficiles à régler sur vos appareils ou ça demande de la configuration plus importante, eh bien, sur le site de Mac Québec, vous avez maintenant un onglet « Service » et vous pouvez communiquer en fait avec les autorités, les gens de Mac Québec. Ça tombe en fait dans ma boîte de courrier et puis c'est moi qui vous réponds et qui offre mes services pour le soutien à domicile. Voilà. Donc, bonne semaine, messieurs. Oui, bonne semaine. Bonne soirée. Salut bien. Bye. Au revoir. Bye. Salut bien. Bye.